بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟ هذا سؤال مهم، c'est une question importante. لماذا؟ لأن للي على الصلاة والذكر، quand on fait du ذكر، quand on évoque الله سبحانه وتعالى، est-ce que on doit bouger les lèvres؟ Quand c'est des récitations à voix haute, fa, alhamdoulilah, c'est clair. Mathalan, salat al-maghrib ou al-isha, les deux premières, c'est à voix haute. La question, elle ne s'oppose pas. Lakin, quand c'est à voix basse, mathalan, les deux premières raka'a de salat al-isha, c'est à voix haute. La troisième, c'est à voix basse. Est-ce que la troisième, tu récites le fatiha? On a cité l'exemple de le fatiha, c'est pas que pour le fatiha. On parle de, pour avoir la récompense, ou si c'est une obligation pour qu'elle soit acceptée, etc. Lakin, cet exemple, pour vous clarifier. Est-ce que la troisième raka'a, tu récites le fatiha, tu bouges les lèvres? Ou tu peux réciter comme certains, ils le font. Ils ne bougent pas les lèvres. قال الشيخ ابن عثيمين الجواب لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك قراءة الأذكار الواجبة. Donc quand c'est obligatoire, c'est une obligation. La salat لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui ne récite pas le fatiha, sa salat n'est pas acceptée. Et هذا qui n'a pas bougé les lèvres, الحقيقة, il n'a pas récité. لأن القراءة, il faut forcément bouger ses lèvres et bouger sa langue. قال رحمة الله عليه كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد. Donc tu as, si on prend l'exemple de la salat, la lecture de l'Fatiha, tu as التكبير, quand c'est à voix basse. Le تكبير, tu ne le fais pas à voix haute, لكن tu bouges les lèvres quand tu dis Allahu Akbar. Et كذلك التسبيح, أي le recours, l'inclinaison ou la prosternation. وهكذا التشهد, tout ça, c'est à voix basse. لكن tu bouges les lèvres. لأنه لا يسمى قولا إلا ما كان منطوقا به. C'est pas une récitation si c'est pas prononcé. Il y a une différence entre ce que tu penses dans le cœur. Maintenant, dans ton cœur, tu peux penser à la Fatiha sans la prononcer. Le fait qu'elle soit dans ton cœur, c'est pas une récitation. Et on est obligé de la réciter. قال ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان. Donc la récitation, la prononciation, c'est avec la langue et les lèvres. لا بد, c'est obligatoire. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته أي بتحركها. Et le hadith, il est صحيح. أي أنهم reconnaissaient أن النبي صلى الله عليه وسلم lisait quand il était debout أن sa barbe elle bougeait. هذا c'est un دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم il avait une longue barbe et une grosse barbe. Et هذا c'est معروف. On a celui qui a une barbe assez épaisse, assez longue, même s'il récite à voix basse, enfin, quand il bouge ses lèvres et sa langue, enfin, son menton, forcément, il bouge et sa barbe, elle bouge. Enfin, il savait que le Nabi sallam, il récitait parce que sa barbe, elle bougeait. C'est un délit, le Nabi sallam, il bougeait ses lèvres et sa langue. قال ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه أم يكتفي بنطق الحروف. Deuxième point que Cheikh Ibn Uthaymeen il a ajouté à la réponse, alayhi rahmatullah, est-ce que tu dois réciter à voix basse, ay, que tu puisses t'entendre toi-même, ou ça suffit de bouger? Il y a une différence. Tu peux réciter à voix basse, et il y a que toi qui entends. Il y en a quand tu as à voix basse, les autres ils doivent pas t'entendre. Lakin, ça peut être à voix basse, et tu sammi' nafsak, comme ils disent en arabe. Et tu te fais entendre toi-même. Ou ça suffit de bouger les lèvres, même si, même toi tu entends pas. Faqat, tu bouges. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمنهم من قال لابد أن يسمع نفسه. Certains savants ils ont dit faut que le minimum il s'entend lui-même. وبعضهم قال أي لابد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه, ce qu'on vient de dire. Et d'autres ils ont dit ومنهم من قال يكفي إذا أظهر الحروف. Certains parmi les savants ils disent ça suffit, tant qu'il bouge c'est compté comme une récitation, même si لا يسمع نفسه, il s'entend pas lui-même. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا هو الصحيح. أي la parole la plus juste, c'est que ça suffit de bouger. Donc, à la kulihal, on retient de cette fatwa, on a le minimum, on fait attention. Bardanès, ils ont compris à voix basse, annahum, même les lèvres et la langue, ils la bougent plus quand ils récitent. Et on fait attention quand c'est une obligation. Le fatiha, c'est une obligation. Fatiha, c'est une obligation dans la salat. Donc, celui qui ne savait pas, il prend en considération هذا الحكم العظيم. Et on cite la référence pour finir, les qa'at al-bab al-maftouh, le premier volume, page 713. Le 20e liqa. Liqa'at al-bab al-maftouh, c'est des assises que Cheikh Ibn Uthaymeen faisait chez lui pour répondre aux questions. Donc c'est la 20e assise, page 714 du premier volume. والحمد لله رب العالمين.